j'ai deux années pour écrire la publication est faite. Donc, il y a les comptes de 2014 et les comptes de 2015. Peut-être qu'ils ont été déposés en juin 2016. On vous donne le nom des administrateurs parce que le conseil d'administration et l'organe de gestion sont responsables de ces comptes. On vous donne l'ensemble des responsables. L'administrateur délégué. D'habitude, on donne les adresses privées, les adresses professionnelles. Mais, on indique le début de mandat et le fin. La fin du mandat, il s'agit de mandat au sein du CA. C'est PESC qui est le réviseur, qui est le commissaire. Et il y a le nom de réviseur. Ça ne veut pas simplement indiquer le cabinet. Il y a le nom du réviseur. Parce qu'il y a une responsabilité du réviseur, vous allez les comprendre. Si vous vous souvenez du cabinet d'audit, il y avait 5 cabinets. Et Arthur Andersen a sauté du fait de Enron parce que il avait certifié tous les comptes d'une société pour correcte, et puis il s'est avéré que ces comptes n'étaient pas corrects. Les assurances n'ont pas pu couvrir l'ensemble de ces problèmes, la société est dissoute. C'était une société très importante en Belgique. Elle a été dissoute, donc il y a un cabinet de réviseurs et responsables vis-à-vis des grands classiques. Allons-y. Donc, en même temps, je vais expliquer aussi ce qu'est la next category. Donc, mission de vérification. Voilà l'article du bilan. Les comptes sont en œuvre. Donc, il faut vous méfier. Je remonte, très très vite. Je vais vous donner le mal de mer. Alors, les comptes annuels sont en œuvre. Attention, parce qu'il y a des bases de données, comme le fait de la finance correspondante. Il est indiqué que les comptes annuels sont présentés en milliers de mots pour éventuel. Pour faire attention, ici c'est en euros. Donc le problème est plus simple. Quand on va examiner le bilan. Ouais, c'est 221 millions pour les actifs. Vous voyez, le changement à partir du 2016, c'est que ce poste d'établissement sort de ce paquet d'actifs immobilisés. Donc, les actifs immobilisés vont comprendre les immobilisations temporaires, les immobilisations temporaires, les immobilisations financières, mais pas les établissements. On aura un réétablissement, et puis les actifs immobilisés, et puis les actifs. Chaque fois, pour deux églises. 31 août 2014, 31 août 2015. L'année suivante, on aura 2015-2016. Ici, ce que l'on appelle la codification, c'est l'équivalent des numéros du PCN1. Ici, c'est les états de l'annexe. Donc, l'annexe 5.1, 5.2, 5.3. Donc, ça veut dire que si on se pose des questions sur les limitations financières, l'état 5.4 et 5.5 de l'annexe vont nous donner l'information que nous. Alors, si vous examinez un peu plus attentivement l'utilisation de Caterpillar, vous allez voir que finalement, il y a des immobilisations corporelles au moment de l'économie. D'accord ? Il y a des participations pour 1 million. C'est du petit détail pour un groupe international comme celui-ci. Je vous rappelle que Publifé ou Netis sont 2,5 milliards. D'accord ? Il y a eu plus de tapage pour Caterpillar que pour Netis et Publifé. Alors, si vous examinez d'ailleurs le total bilan en termes de Caterpillar, c'est 401 millions. C'est très peu, mais on peut On avait parlé du bilan social, je voudrais juste vous montrer ce bilan social. Thank you. Yeah. jamais c'est un véhicule, si jamais par exemple c'est un 2400 ou 2420, je vous ai dit d'ailleurs que le 24 c'est obligatoire, le déjeuner 0 c'est obligatoire, et ce que vous mettez entre le 24 et le 0, ça dépend de vous. C'est la manière dont l'entreprise approprie le TCMM à sa compétence. Donc imaginons que vous ayez un véhicule, matériel roulant. Si c'est une voiture de transport de personnes, eh bien vous n'avez pas récupéré 15 750, vous n'avez récupéré que 7 875. Eh bien les 7 875 que vous ne récupérez pas, vous pouvez les ajouter à la valeur acquise. Donc si vous achetez un camion, vous récupérez 100% de la TVA, 15 750. Si vous achetez une voiture de transport de personnes, vous récupérez les 50% de la TVA. Et les 50% que vous ne récupérez pas, vous les ajoutez à la valeur d'acquisition et vous allez les amortir. Alors ici, le problème ne se pose pas puisque c'est du matériel. On peut récupérer la totalité de la TVA et donc on ne va amortir que 75%. Comment l'amortir ? Eh bien, l'écriture, c'est celle-là. Alors, attention à l'écriture comptable. Vous vous souvenez qu'au niveau des comptes annuels, donc au bilan, et au niveau du compte de résultat, on devrait mettre matériel de bureau 60 000. Et on mettrait une dotation aux amortissements de 15 000. D'accord. Qu'est-ce qui nous permet de voir que ces 15 000 viennent de 55 000 fois 20% d'entreprise ? C'est une charge. Vous avez vu que l'exercice, ça veut dire que l'entreprise perd déjà 20% de la valeur d'acquisition par la première année. C'est une charge. Une charge comptable, fiscale. Non décaissable. Et le bilan, eh bien, ce que vous mettez au bilan en toute année 60 000, c'est la différence mathématique entre ce montant et ce montant. Alors, qu'est-ce que ce montant, qu'est-ce que ce montant qui s'appelle amortissement sur matériel roulant et qui porte le même numéro de que la valeur de l'acquisition, sauf qu'il se termine par 9. Vous voyez, ce pont se termine par 9, mais ce pont se termine par 0. Et je vous avais dit, lorsque j'ai expliqué le TCMM, que lorsqu'un pont se termine par 0, il indique la valeur de l'acquisition. Quand il se termine par 9, il indique les amortissements cumulés. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on fait ce pont au lieu de mettre 0? Bien, la raison est ça. Si on créditait ce compte, regardez bien, c'est juste ceci en arrêt. Si au lieu de faire ça, je faisais ça, ça serait beaucoup plus rapide. Puisqu'on pourrait directement avoir 60 000 ici. Mais ce n'est pas ce que le législateur a choisi. Le législateur ne vous autorise pas à créditer directement le compte matériel du compte.